L'homme sourit d'un air humble et satisfait, et, devenu soudain loquace, « Oh, pour l'or, je dis pas non. Il n'y avait que ça qui m'opposait. Quand monsieur le curé m'en a parlé, je voulais bien tout de suite, pardi. Et puis j'étais ben aise, satisfaire monsieur le baron, qui me revaudra ça, je me le disais. C'est-il pas vrai? Quand on s'oblige entre gens, on se retrouve toujours plus tard, et on se revaut ça. Mais monsieur Julien m'a venu trouver, et ce n'était plus que 1500. Je me dis, faut savoir, et je suis venu. C'est pas pour dire, j'avais confiance, mais je voulais savoir. Il n'est que les bons comptes qui font les bons amis, pas vrai, monsieur le baron? » Il fallut l'arrêter. Le baron demanda, « Quand voulez-vous conclure le mariage ?» Alors, l'homme redevint brusquement timide, plein d'embarras. Il finit par dire, en hésitant, « Je ferai un petit point d'abord un petit papier. » Le baron, cette fois, se fâcha. « Mais non, donc chien, puisque vous aurez le contrat de mariage, c'est là le meilleur des papiers. » Le paysan s'obstinait. « En attendant, pourrions bien en faire un petit bout tout de même, ça ne nuit toujours pas. » Le baron se leva pour en finir. « Répondez oui ou non, et tout de suite. Si vous ne voulez plus, dites-le, j'ai un autre prétendant. » Alors, la peur du concurrent affola le Normand rusé, il se décida, tendit la main comme après l'achat d'une vache. « Topez là, monsieur le baron, c'est fait. Couillon qui s'en dédie. » Le baron topa, puis cria « Ludivine !» La cuisinière montra sa tête à la fenêtre. « Apportez une bouteille de vin !» On trinqua pour arroser l'affaire conclue. Et le gars partit d'un pied plus allègre. On ne dit rien de cette visite à Julien. Le contrat fut préparé en grand secret, puis, une fois les bans publiés, l'annonce eut lieu un lundi matin. Une voisine portait le mioche à l'église, derrière les nouveaux époux, comme une surpromesse de fortune. Et personne dans le pays ne s'étonna. On enviait seulement Désiré le coq. Il était né coiffé, disait-on, avec un sourire malin où n'entrait point d'indignation. Julien fit une scène terrible qui abrégea le séjour de ses beaux-parents au peuple. Jeanne les vit repartir sans une tristesse trop profonde, Paul étant devenu pour elle une source inépuisable de bonheur.